Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire à Moncton, le chiac pour le meilleur et pour le pire. Puis aussi, je sais qu'on devrait être, comme il disait, fallait être fier d'être acadien. Mais jusqu'au point de dire qu'il faut être fier exactement de notre langue, chiac, je me sens que je suis pas d'accord jusqu'au point de dire ça. Faudrait plutôt essayer beaucoup mieux l'améliorer parce que vraiment, notre chiac est terrible. Cet extrait du film de Michel Brault, L'éloge du chiac, est assez formidable. Il nous parle de l'ambivalence des Acadiens, certains d'entre eux du moins, face au chiac. Le chiac qu'on parle le plus souvent avec fierté, en même temps qu'avec, parfois, une certaine gêne. Et c'est du Centre culturel Aberdeen de Moncton, un lieu où le chiac a résonné et continue de résonner fort, que vous parvient cette émission d'Aujourd'hui l'Histoire. Gisèle, je te colle rien que demain. À cause c'est boring as well. Et que rien qui va en. À Moncton. C'est un cri du cœur, la chanson à Moncton, mais c'est ce que je trouve intéressant que la chanson soit chantée en chiac, surtout pour ce personnage-là, c'est que c'est vraiment ce qu'il y a de plus immédiat. Ça fait de ses propos ou bien de son cri de cœur quelque chose de très, très direct, très, très honnête, très, très enraciné aussi quelque part à sa réalité. À qu'est-ce que je faisais rien? J'avais des histoires à te conter. On peut parler un français plus international, on peut voyager dans le monde et puis donc gagner un peu en curiosité par rapport à tous les accents qu'il y a autour. Mais je pense que ce qui est surtout intéressant par rapport au chiac, c'est pas la petite couleur qui fait que ça nous fait sourire ou qu'on dit « Ah, oh, mon Dieu, c'est ben cute cette langue-là ». Mais pour moi, l'importance du chiac, c'est surtout que c'est quelque part très, très, très enraciné. Il y a quelque chose, en tout cas, qui m'apparaît très, très légitime, mais surtout très important par rapport au fait de se sentir enraciné à quelque chose. Est-ce que t'as déjà trouvé une job full-time, un boyfriend pour t'embrasser? Sur sa chanson « À Moncton », vous entendiez Marie-Jo Thériault à l'émission « Histoire de parler » en janvier 2000. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer cette émission sur le chiac que d'entendre ce qu'on vient d'entendre. Et pour nous raconter l'histoire du chiac, je reçois Annette Boudreau, qui est professeure émérite de sociolinguistique à l'Université de Moncton, autrice également de l'essai « À l'ombre de la langue légitime, l'Acadie dans la francophonie ». Annette Boudreau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente, le chiac, pour les Acadiens, Annette Boudreau? On a déjà une petite idée avec les deux extraits qu'on a entendus. Qu'est-ce que ça représente? J'ai trouvé justement très intéressant de placer deux extraits comme ça dans le temps. Je pense que le chiac est... Parce que le premier extrait remonte à la fin des années 60. À la fin 60, des années 60, 39. Et Marie-Jo Thériault, effectivement, nous parle en 2000. C'est ça. Alors, c'est encore, je pense, un objet de fierté et de honte selon les différents individus. On pourrait en parler davantage, mais je pense que c'est aussi un registre de langue qui est vraiment incarné dans l'esprit des gens du sud-est du Nouveau-Brunswick, qui fait partie de leur identité. Oui. Puis on va y revenir, effectivement, oui. Parce que c'est central. Puis on reviendra dans le temps avec ce film qui avait eu un impact considérable à l'époque, le film de Michel Brault. C'est un extrait de ce film-là qu'on entendait, L'éloge du chiac, au tout début de l'émission. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, quand, pour ceux qui ne parlent pas chiac, par exemple, qu'est-ce qu'on entend précisément quand on parle de chiac? Alors, le chiac, c'est le nom qui est donné à une variété de français qui est parlée surtout dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Cette définition-là, elle varie selon les locuteurs et les locutrices qui le parlent, selon aussi les linguistes qui en ont donné une certaine définition. Je pense par exemple à Marie-Ève Perrault de l'Université d'Orléans, en France, qui est la première qui a étudié vraiment la structure du chiac. Et elle l'a défini comme étant un mélange de français, d'anglais et de structure archaïque, qui serait dans une base vraiment francophone. Là, c'est la définition, disons, de ce mélange qui, je pense, dans les esprits des gens, qui est la plus répandue. Ouais. Mais selon les étudiants, par exemple, et les étudiants que j'ai eus au cours des ans, ils faisaient vraiment une distinction entre ce qu'ils appelaient le bon chiac, le mauvais chiac. Pour eux, le bon chiac, c'était le chiac qui contenait des archaïsmes, par exemple, des expressions dont on pouvait retracer l'histoire au début de la colonisation. Et le mauvais chiac, c'était souvent le chiac qui était rempli d'anglicisme. Oui. Bien sûr, ça varie. Mais ce que je veux dire, c'est que cette définition-là, ce nom qui est donné, ça varie sur un continuum entre un chiac très anglicisé et un chiac où il y a seulement quelques mots d'anglais. Donc, le bon chiac, c'est celui qui, au fond, perpétue une mémoire et se rattache à une appartenance culturelle, alors que le mauvais chiac, c'est juste l'anglicisation. Par exemple, pour certains, je veux dire... Bon, je veux dire que c'est vraiment un spectre très large qu'on ne peut pas vraiment le circonscrire dans une seule définition. Et le chiac, il est parlé, donc, essentiellement dans une seule région du Nouveau-Brunswick? Ben, là aussi, ça dépend de ce qu'on entend par cette définition-là, mais ce sont les gens de Moncton ou surtout de la région du Sud-Est qui s'identifient, qui vont dire qu'ils parlent chiac. Ouais. Même si on a vu des musiciens, on en parlera plus tard, qui se sont réappropriés le terme parce que le terme devient de plus en plus connu. Ouais. C'est intéressant que vous définissiez déjà de quoi on parle en faisant la distinction entre le simple franglais qu'on retrouve ailleurs au Canada. Et ça m'amène à vous demander comment comparer le chiac à, je sais pas, mais au français que parlent les Français, quoi, au français que parlent les Franco-Ontariens, par exemple. Ben justement, une des caractéristiques fondamentales du chiac, c'est le fait qu'il porte un nom. Oui. Un nom, ça fait exister une variété de langues. Quand on parle de mélange, par exemple, ou quand on parle de franglais, on le trouve un peu partout dans le monde. Oui. Donc, quand on parle des gens... Même en France, à la rigueur. Absolument, en France, un peu partout, en Afrique, etc. Donc, on va dire qu'ils parlent le franglais. Donc, ce n'est pas lié à un groupe de gens en particulier. Tandis que quand on parle des chiacs ou du chiac, ça fait tout de suite référence à un groupe de gens particuliers pour le meilleur et pour le pire. Oui. Dans le sens que le chiac, donc, est vraiment... à cause de son nom, il y a un groupe de personnes. Et en même temps, parfois, il y a des gens... surtout de l'extérieur, qui peuvent l'utiliser en disant, ben, si vous ne faites pas attention à ce qui se passe, regardez ce qui se passe au Nouveau-Brunswick avec les chiacs. Alors qu'on pourrait prendre des tas d'exemples ailleurs, mais comme ces variétés-là ou les autres variétés ne portent pas de nom, c'est vraiment une cible parfaite. J'ai vu, par exemple, Alain Borer, qui a écrit, c'est un Français qui a écrit un roman il y a 2 ans, un Français, et donc il prend l'exemple du chiac comme un exemple extrême de l'assimilation et pour montrer un peu comment est-ce qu'on pourrait arriver à perdre le français. Ouais. Donc, c'est parce que ça porte un nom. Ouais. Et cette question de nomination-là, elle est vraiment fondamentale. Ouais. Ben, parlons-en de ça. Le nom arrive quand? Assez tardivement, dans les années 1960, je pense. Disons que la première attestation que j'ai trouvée dans les journaux, c'est en 1963. Le 4 janvier 1963. C'était dans une opinion du lecteur où il y a quelqu'un qui parlait du bilinguisme et qui parlait justement du chiac avec un S, parce que c'est écrit, ça dépend des personnes, S-C-H-I-A-K. Il disait avec ce faux bilinguisme, on va arriver à ne parler que le chiac. Donc, en 1963, si on en trouve une attestation écrite, ça veut dire que c'était déjà courant dans la population. Oui. Ensuite, donc, il y a eu Jacques Ferron qui a écrit dans le contentieux de l'Acadie Les chiacs de Moncton en 1965. Ouais. Donc, c'est la première attestation écrite, mais j'avais trouvé, parce que j'ai fait le dépouillement des articles de journaux pour essayer de trouver d'où viennent les discours sur la langue, et j'ai trouvé, par exemple, des exemples de mélange de français et d'anglais dès le début du 20e siècle. Okay. Mais on ne l'appelait pas le chiac à ce moment-là. En fait, le chiac comme tel, il apparaît bien avant ça. Dans quel contexte, quand est-ce qu'il apparaît? Son nom, c'est en 1963. Oui. Et je ne sais pas trop d'où ça vient. Je me suis informée pas mal auprès des historiens et tout ça. On dit que c'était une personne de Chidiac qui avait voulu trouver du travail dans le nord-ouest de la province dans les années 50, qu'on n'aurait pas compris ce qu'il disait, puis qu'on aurait dit qu'il vient de Chidiac, donc chiac. C'est ce qu'on dit, c'est vraiment... des légendes, je ne sais pas trop si c'est vrai, si ça repose sur quoi que ce soit. Mais on la parle depuis combien de temps, cette langue? Sans doute depuis très longtemps, parce que justement, au 19e siècle, les Acadiens faisaient affaire avec des commerçants de la Nouvelle-Angleterre. Et on trouvait déjà des mots anglais dans certaines phrases françaises, parce que forcément, c'était ouais. avec le commerce. Et j'ai l'impression que c'était sans doute pas seulement les Acadiens non plus, ça devait être les Canadiens français en général ouais. qui faisaient des commerces avec, ailleurs. Donc, je pense qu'on peut retracer vraiment dans les années 19e siècle. Oui. Mais donc, cette étape importante, on y revient, puis ça nous mène au film de Michel Brault à la fin des années 60, cette étape importante de nommer ce qui existe. Début des années 60, le chiac est nommé, fait partie du vocabulaire, ça devient un concept, donc. Et à cette époque-là, bien sûr, c'est le nationalisme au Québec qui commence à émerger, en Acadie aussi, oui. Le nationalisme commence à émerger. Et puis, il y a Michel Brault qui débarque à Moncton et qui fait ce film, L'éloge du chiac, dont on va parler dans un instant, qui va avoir un impact considérable en Acadie. Fin des années 60, donc, L'éloge du chiac et la réflexion qu'ont les Acadiens par rapport au chiac. Vous allez très, très bien l'entendre dans l'extrait qui suit. Quand les Acadiens, là, les Acadiens d'aujourd'hui, là, chiac ou pas de chiac, ils parlent leur langue. Leur langue, là, c'est chiac. Mais qu'est-ce que... Ça fait qu'ils vont parler le chiac. Pas différent, c'est quand on commence à dire, ben le français, c'est beau, puis le français, c'est la langue maternelle. C'est qu'ils ont pris chiac toute leur vie, puis que leur entourage est chiac, ils vont rester chiac. Ben oui, mais Charles, va-t'en à Montréal, puis pars chiac, ils vont dire où est-ce qu'ils sortent, une ben, taverne. Ils ont continué au maritime, ça. Ça fait pas de différence. C'est juste ouais. qu'on a eu de l'influence de l'extérieur. Faut l'enlever, cette influence-là. Puis se dire, on a notre langue, faut la garder. Quand vous parlez anglais, est-ce que vous parlez bien l'anglais? Non. Mais personne ne peut parler anglais. Il y a personne, ni français. Il y a personne, je vous le dis. Il y a personne. On n'a pas de langue, les Acadiens. Ils peuvent parler l'anglais, OK, ils vont sauter. Moi, là, ouais. Ils vont parler français, ils ne pourront pas, eux autres, non plus. Je suis sûr que quand il va dire, oh, ben, moi, je parle plus anglais que toi, là. Ça ne change rien, ils ne savent pas l'un et l'autre. Pierre, ça aurait été d'allure, c'est heureux, donc, que nous autres, qu'on apprendrait la langue de Montréal, quand on viendrait par ici, puis tu aurais su vos words, puis tu dirais, ben, pour un donut, ben, il dirait rien, Pierre, il manque du quoi. Puis tu vas commencer juste toi, OK, décide-toi. Tu veux dire un mot mal, tu veux répéter 50 fois que tu vas avoir l'allure? Non, non, voilà, je dis... Voilà, puis dis-moi, tu vois, dis le mot. Prends la peine, ce soir, dans la ville. Puis parle le bon français. Puis comme ils te regarderont... Ben, ils me regarderont. Ben, moi, ils pourront dire, ben, lui, au moins, sa langue. Ils sauront pas où tu dis. Ça fait pas de différence, il faudra qu'il l'apprenne. Il faudra qu'il l'apprenne. Va ta mère, puis maintenant, dis-lui qu'il parle mal. Son vieux, tes parents, ben, t'aurais pas de chance. Ils vont être obligés de comprendre ça. À Saint-Antoine, ils ne disent pas ben non plus. C'est un petit village français, ben, ils ne prennent pas les gros mots de Montréal. La les gros, oui, de Montréal. Ça, c'est assez fascinant, ce qu'on vient d'entendre, Annette Boudreau. C'est 1969, oui. le film. Oui. Peut-être que ça compte, au fond, mais ça nous dit quoi, ce qu'on vient d'entendre sur... Puis je reviens à la question que je vous posais au tout début, sur le rapport qu'ont les Acadiens avec le chiac, cette espèce, à ce moment-là, en tout cas, cette espèce d'ambivalence entre une fierté, une reconnaissance là-dedans, peut-être une certaine honte aussi. Michel Brault était venu ici avec Pierre Perrault un an avant pour faire le film L'Acadie d'Acadie. Oui. C'est dans ce contexte-là que L'éloge du chiac a été réalisé. Donc, il y a eu L'Acadie d'Acadie et L'éloge du chiac. Et c'était aussi les années 60 où il y avait une forme d'effervescence politique, oui. sociale, mais en même temps, on avait une vision extrêmement idéalisée du français, c'est-à-dire qu'on ne tenait pas compte du tout de la variation. Et ça se voit ici dans le film. Et je pense que les jeunes qui sont dans le film sont extrêmement conscients et je dirais, extrêmement ouverts aussi. Et je trouve que c'est fascinant à quel point ils avaient une vision juste de la réalité. Parce que la jeune fille qui dit, quand tu arrives chez tes oui. parents et tu veux parler d'une telle façon, déjà, elle a une réflexion sur les différentes variétés de langues qui vont être admises un peu plus tard avec les études en sociolinguistique qui vont vraiment paver la route à partir des années 70. Mais auparavant, même dans le monde entier, en fait, on avait une vision extrêmement rigide oui. de la langue française. Il y avait le français normatif, le bon français. Exactement. Oui. Donc ici, quand ils reviennent sur le chiac, on voit qu'il y a toute cette ambivalence, puis en même temps, on se rend compte que est-ce qu'on peut parler ce qu'ils appellent la langue de Montréal? On voit vraiment ça comme une langue qui est très distante oui. par rapport à soi. Oui. Et en même temps, on se rend compte, ben, il y en a qui se rendent compte de certaines limites, mais en même temps, d'autres revendiquent forcément cette langue-là. Et en même temps, je trouve que c'est passionnant de voir qu'ils tiennent compte des réalités sociopolitiques ou économiques des familles. Quand elle parle de... Plus tard dans le film, elle dit « Mes parents n'ont pas eu d'éducation oui. ». Ben justement, elle lit la variété prestigieuse a une forme de scolarisation. Ouais. Et déjà là, je me dis, il y avait vraiment déjà une conscience des différentes variétés de langue. Ce déchirement, ce tiraillement qu'on entend dans cet extrait et dans le film, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il existe toujours par rapport au Chiac, en Acadie? Sans doute que oui, parce qu'on le voit dans les opinions du lecteur parfois qu'on peut lire dans le journal. Mais en même temps, il y a eu une réappropriation du Chiac par les artistes, beaucoup dans leurs chansons, dans les pièces de théâtre, même dans les radios communautaires. Les gens ont mis en place des radios où les gens peuvent s'entendre et se dire dans le français qui est leur et qu'on nomme le Chiac ici. Donc, il y a aussi des gens qui en ont fait un emblème identitaire. Ça, on va y revenir parce que c'est important. Il y a plusieurs exemples. On entendait Marie-Jo Thériault au début de l'émission, mais il y en a d'autres. Mais restons encore une minute ou deux sur les années 60, sur ce contexte de la fin des années 60, du début des années 70. Ça correspond donc en Acadie comme au Québec à une sorte d'affirmation nationale qui va passer par la langue populaire. Au Québec, ce sera évidemment le joual de Michel Tremblay. Et en Acadie, la langue d'Antonine Maillet. Toutes les femmes du pays, là, elles vont pas se laver la peau dans le lait de beurre pis l'eau de colonne. Oh non, il n'y en aura jamais une seule qui aura les mains plus blanches que la seconde, qui a passé sa vie les mains dans l'eau. Et Antonine Maillet, quelles sont les particularités de la langue acadienne? C'est une langue française, mais ancienne, avec ça de particulier qu'elle a une intonation, un accent, d'ailleurs que vous entendez tout de suite, une intonation qui probablement a pu avoir des influences du climat, par exemple de la mer. Chez nous, on ne dit pas maison, on ne dit pas Marie, on dit maison, comme la vague, vous savez. Mais en fait, la langue est très ancienne. Elle a un vocabulaire qui date très souvent du 17e, même du 16e. Il n'y a pas d'anglicisme. Si, en Acadie, il y a des anglicismes, mais la langue acadienne, vous savez, on confond souvent, on dit le Chiac. Le Chiac et l'acadien, ce n'est pas la même chose. Ah bon? Le Chiac, c'est du franglais acadien. Oui. Ça, c'est baquer dans la backyard, c'est watcher son French, vous comprenez? Oui. Ça, c'est le joual, c'est le joual anglais, si vous voulez, mais franglais d'Acadie. Alors que l'acadien, c'est une langue française qui nous descend accru directement du 17e, mais auquel nous avons ajouté, disons, un accent particulier. Mais l'acadien de la Sagouine, c'est l'acadien d'une fourbisseuse de place, d'une laveuse de plancher. Mm-hmm. Et c'est tout à fait la même chose qu'au Québec. Vous avez le Québécois du garagiste et vous avez le Québécois du professeur de l'Université de Montréal. L'autrice Antonine Maillet à l'émission Actualité en 1972. On va pousser un peu plus loin, Annette Boudreau, sur ce que vient de dire Antonine Maillet. Comment se compare cette langue, par exemple, de la Sagouine avec celle de Michel Tremblay ou avec le Chiac, carrément? Je pense justement que Michel Tremblay, Antonine Maillet, l'éloge du Chiac, ils ont joué un rôle fondamental dans l'élargissement de la vision qu'on se faisait de la langue. Ils ont joué vraiment sur les stéréotypes en montrant les différentes variétés qui peuvent exister dans une langue donnée. Et puis, pour Antonine Maillet, elle a toujours eu ce même discours en disant « La langue de la Sagouine, ce n'est pas du Chiac. Ouais. » Pour elle, c'est vraiment... elle le dit. Et puis... je pense que, justement, la distinction qu'elle fait, on peut la faire en linguistique aussi. On peut dire que le français acadien, c'est un français qui est formé de formes, surtout archaïques. Mm-hmm. Ce qui se passe pour le Chiac aussi, c'est que je trouve assez intéressant, c'est que souvent, c'est les termes anglais ne sont pas intégrés phonétiquement, donc on les entend. Et quand on les entend, ça crée une stigmatisation qui, de la part de ceux qui veulent la critiquer, disons, qui est beaucoup plus... C'est plus facile de pointer du doigt les anglicismes. Ouais. Tandis que ces anglicismes-là sont souvent intégrés. Par exemple, si on dit un pull, un pullover, on peut dire, bon. Mais si on dit un sweater, on l'entend. Ouais. Tandis qu'un pull, on ne va pas l'entendre. Donc, dans ce sens-là, même le terme est intégré phonétiquement au français, mais tandis qu'autrement... Donc, ça aussi, ça joue beaucoup dans la distinction qu'on peut faire. On va revenir, vous disiez, depuis un petit bout de temps, les années 80, 90, chez les artistes, il y a une appropriation, une réappropriation du Chiac, parfois de gens qui, au départ, ne sont pas Chiac eux-mêmes. Et ça donne vraiment, Marie-Jo Thériault, mais plus que ça, ça donne vraiment, vous allez entendre tout de suite, mais vraiment toutes sortes de choses. Es-tu tanné de venir au sud-est du Nouveau-Brunswick? Parle en français, puis y a personne qui te comprend. Ouais, j'ai le livre pour toi. Chiac pour les dummies. Viens-tu du Nord, puis t'as de la misère à nous comprendre dans le sud-est? Viens-tu du Québec, puis tu veux venir ici en vacances chialer après la way qu'on parle, puis tu te fais pas comprendre? Ou viens-tu de la France, puis tu trouves c'est hip parler comme un Acadien du sud-est, mais tu sais pas comment? Apprenez comment dire des mots comme plaise, yank, douce, taway. Vous les trouverez toutes dedans. Chiac. Pour les dummies! Dano Leblanc, le créateur du personnage BD Acadiman, publicité évidemment sous forme de parodie qu'il fait dans cet extrait qu'on vient d'entendre de son livre Chiac pour les dummies. Ça nous permet, ça peut donner ça, la réappropriation du chiac aujourd'hui, Annette Boudreau. Il est où ce chiac? On l'entend où quand on pense à la résonance qu'il a beaucoup dans le milieu culturel aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, il est présent dans la sphère culturelle, comme et aussi le français qu'on dit standard, le français acadien, il y a toute une variété. Mais justement, ça a donné la permission aux gens d'être ce qu'ils sont, de parler avec la langue qu'ils veulent bien mettre de l'avant dans les différentes productions culturelles. Il y a vraiment une pléthore d'artistes aujourd'hui qui jouent avec la langue aussi de façon volontaire. Est-ce que c'est devenu tendance? Je pense à Radio-Radio qui, au départ, oui. Sont pas, oui, je pense pas... justement, ben, Radio-Radio, je pense à eux tout à l'heure, qui se réclamaient du chiac et non pas de l'acadien, qui est la langue de la Nouvelle-Écosse, parce que justement, parce que ça porte un nom, ben, ils ont décidé peut-être que c'était plus facile de parler du chiac que de l'acadien. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a eu vraiment une réappropriation assez... assez élargi du phénomène. Vous êtes sociolinguiste. Est-ce que c'est, sur le plan sociolinguistique, unique, ce genre de phénomène, ou s'il y a quelque chose ailleurs dans le monde de comparable? Absolument. Il y a vraiment... il y a le camfranglais, par exemple, au Cameroun, où il y a un mélange de français et d'anglais. Il y a le Michif dans les provinces de l'Ouest, où il y a le mélange avec les cris, les langues autochtones et le français. Mais la grande différence, je reviens au départ, c'est le nom. Oui. Parce que des exemples de ce qu'on appelle le franglais, on pourrait en trouver partout. Oui. Mais étant donné que ça porte un nom, c'est à la fois un avantage. Moi, je dirais plutôt un avantage, mais parfois des désavantages. Ça peut servir, les gens qui parlent le chiac peuvent servir de bouc émissaire pour les autres qui veulent montrer une langue, selon eux, en voie de disparition. Pour sa fin, ça dépend de la conception qu'on a de la langue. Annette Boudreau, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Annette Boudreau, je vous le rappelle, qui est professeure émérite de sociolinguistique à l'Université de Moncton, auteure de l'essai « À l'ombre de la langue légitime, l'Acadie dans la francophonie ». Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande, à la technique aujourd'hui Danny Deveau. Merci également à toute l'équipe du Centre culturel Aberdeen de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à nos collègues de Radio-Canada Acadie pour leur coup de main dans la préparation de ces émissions. Merci à vous d'être venus nous voir. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Donc, on va passer à une période de questions-réponses. Si, dans le public, vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez y aller. On va, quoi, passer 5-10 minutes avec Mme Boudreau à vous écouter. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Anne Godin, puis je suis du Nord, moi. Je viens de la région de Caraquet. Donc, dans le Nord, la péninsule acadienne, on parle pas chiac. Mais on utilise beaucoup de vieux mots acadiens. Comme, par exemple, chez nous, on va dire « Ah, oh, ça fait zire ». Quand on dit « ça fait zire », ça veut dire « c'est dégoûtant ». Si on dit à un homme, par exemple, si je dis à Jacques Beauchamp « ah, tu fais pas zire », ça veut dire que je te trouve beau. C'est un compliment. Merci. Donc, par exemple, à Jeuve, Hursou, on va dire par exemple « oh, ben, il Hursou chez nous ». Il arrive comme ça soudainement. Donc, on utilise beaucoup de vieux mots acadiens. Ce qui se dit au Québec aussi. Hursoud. Oui, à Jeuve. Par exemple, une bouchure pour une clôture, un cléon pour une petite porte, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le vieux dialecte acadien qui vient d'un dialecte poitevin. Donc, parce que nous, on est les descendants des Poitevin, Poitou-Charentes, tandis qu'au Québec, c'est plus la Normandie. Ouais. Et donc, ce sont des vieux mots, des archaïsmes qu'on a gardés. Mais Annette, nous, dans le Nord, le chiac, moi, par exemple, si on me demande d'imiter le chiac, je ne peux pas. Je ne suis pas capable de parler chiac, mais je peux parler en vieux mots. J'ai étudié au Québec. Puis c'est là que je me suis aperçue que je parlais différemment. Oui. Un jour, je marchais avec une amie, puis j'ai dit, « Oh mon Dieu, ben t'as la fale à l'air, peut-être tout est calvautré. » Elle dit, « Qu'est-ce que j'ai, puis qu'est-ce que tu viens de me dire? » Mais là, je me suis rendu compte que j'utilisais des vieux mots. Oui. Et pendant tout le temps que j'ai étudié à Montréal, je faisais très attention d'utiliser aucun mot acadien dans mon vocabulaire parce que je voulais être acceptée des Québécois. Donc, c'est ça, Annette, nous, le Nord, on n'a pas ça, le Chiac. Non, c'est certainement pas comme ça que vous le nommez, ça c'est clair. Mais par exemple, des expressions comme « faire zire », c'est très commun dans le Sud-Est. Et j'ai l'impression que les gens qui utiliseraient une expression comme celle-là, direct, c'est du chiac. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est assez flou, la définition qu'on donne. C'est vraiment très, très difficile de circonscrire cette définition-là avec des caractéristiques propres. Et c'est pour ça que ce qui est resté, c'est la question du mélange. Mais ce vieux français, ces archaïsmes, est-ce que c'est pas ça peut-être? En tout cas, le point commun dans le français parlé dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick, je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, absolument. Par exemple, Dano Leblanc, pour prendre l'exemple de Dano Leblanc, il y a vraiment tout un vocabulaire. C'est marqué « chiac word of the day », il fait exprès, hein? « Word of the day ». Et quand on fait l'inventaire des mots qu'il place, alors qu'il parle du chiac, ce sont presque tous des archaïsmes. Donc, c'est là où on voit ce flou. Il y a à peu près 80 % des termes qui sont des archaïsmes. Donc, on voit que ça fait partie de la définition du chiac pour les uns, pour les autres, non. Et qu'il y a une certaine fluctuation, mais en même temps, ça permet de nommer une variété qui est propre à la région ici. Et dans le nord du Nouveau-Brunswick, d'où vous venez, est-ce qu'il y a du franglais aussi? Non. Non, nous, on mélange très, très peu l'anglais et le français chez nous, dans la péninsule acadienne. Mais on va utiliser beaucoup de vieux mots acadiens. Ouais. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui en utilisait tout le temps. Mais non, on mélange pas. Puis nous, en fait, on regarde ça un petit peu... C'est péjoratif, là, tu sais. On dit, oh, les gens du Sud, puis le chiac. Ah, oui, ça, c'est intéressant. Donc, ce jugement-là, les gens du Nord le portent par rapport aux gens du Sud. Absolument. Il y a toujours plus... On cherche toujours plus petit que soi, entre guillemets. C'est comme les gens du Sud qui vont se moquer des gens de la Bissat-Marie. En fait, c'est vraiment... Il y a tout des phénomènes comme ceux-là partout dans le monde. Ouais. Autre question? Autre commentaire? Monsieur? Oui, je renchirais un peu là-dessus, juste pour dire que dans le Nord, il y a beaucoup de sentiments que le chiac, c'est une anglicisation et c'est une menace quelque part aux Français. Et je pense que ça change parce que à cause de la valorisation du chiac par les artistes depuis quelques années, mais je pense que c'est encore là un peu. Mais moi, je voulais savoir la pratique dans le chiac franglais de prendre les verbes anglais et de les conjuguer à la française, qui est très présent dans le chiac. Est-ce que ça, on retrouve ça dans d'autres types de franglais? Ça, c'est une excellente question. Au Québec, certainement. Le joual fait vrai, ça aussi. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Absolument. Ouais. Je ne crois pas dans une... Ils n'ont pas maîtrisé l'art comme le chiac. Non, sûrement pas. Mais ils vont dire swinguer. Oui, oui, absolument. Swinguer, mais la syntaxe, en fait, souvent, je pense qu'on parle, on a l'impression de parler français dans le français populaire, le joual québécois, alors que syntaxiquement, parfois, on parle en anglais, mais ça sonne français. C'est intégré. Et ce que je trouve intéressant par rapport à la différence avec le Québec, c'est que le Québec, par exemple, dans les années 70, parlait beaucoup du joual. Oui. Maintenant, on dit non, ça a disparu, c'est le français québécois, mais ça n'a pas disparu. Ça a changé parce qu'on ne le nomme plus ainsi, mais quand on écoute les humoristes... Oui. Ben, c'est une variété de Québécois, hein, où il y a quand même pas mal d'anglicisme. Parce que l'étiquette joual stigmatisait. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, nous, ça stigmatise aussi, c'est clair. Ouais. Autre commentaire, autre question? Oui, madame? Lucie Richard, acadienne du Sud-Est. Moi, je me définis comme étant une fille chiac parce que je suis née au Québec, mais que j'ai grandi dans le Sud-Est. Moi, ce qui m'a toujours fatiguée, c'est la tendance que je sentais de vouloir diaboliser le chiac, comme quoi le chiac, c'était une mauvaise façon de parler. Je me rappelle encore à l'école, dans les années 70, on nous donnait des cours de ce qu'on appelait le bon français. Comment est-ce que vous voulez qu'un enfant de 8-9 ans qui reçoit ça, qui entend ça, accepte ça? Ma langue a pas une valeur reconnaissable, puis les gens dans le Sud-Est se définissent encore, je crois, aujourd'hui, comme des Acadiens, des francophones. Puis quand on leur dit le chiac, c'est pas une bonne langue ou c'est pas une bonne façon de parler, les gens souvent reçoivent ça comme Je suis pas un francophone. Je suis pas un francophone valide. Ma francophonie a pas de valeur. Puis moi, c'est ce que je trouve déplorable. Je pense qu'il faudrait peut-être pas... Je pense que c'est bien d'apprendre à parler un autre niveau de français, français de plusieurs niveaux, mais je pense qu'il faut pas... faut faire attention de pas diaboliser le chiac, pas faire sentir à une personne qu'elle a pas de valeur parce qu'elle parle cette langue-là, parce que cette langue-là, comme on le dit souvent, a été transmise de grands-parents, de parents à leurs enfants. Puis c'est pas une erreur d'avoir appris cette langue-là, puis c'est pas non plus une erreur d'être capable ou d'être apte de parler seulement ce niveau de langue-là. Je pense que c'est un français qui a une certaine valeur. Faut pas la négliger. Mais vous le sentez encore? Ça existe encore, cette... Moi, je trouve, il y a encore quelques années, je sais que dans les écoles, il y a eu le débat, tu sais, les enfants parlent trop chiac. Pourquoi? Entre autres, il y a une valorisation du chiac qui était faite un peu à l'école. On sentait que c'était comme une valorisation du chiac. Et on trouvait ça dommage de valoriser le chiac à l'école où on pensait que les enfants vont recevoir un mauvais message comme de quoi que l'anglais, c'est acceptable, ou mélanger le français et l'anglais, c'est acceptable. Moi, ce que je trouve déplorable dans cette approche-là, c'est que je pense que les enfants qui ont grandi dans ce milieu-là et qui n'ont pas connu autre chose puissent recevoir le fait qu'on s'attaque à leur identité, alors que c'est leur identité, c'est leur couleur à eux. Ouais. Puis je ne voudrais pas que les enfants sentent que cette couleur-là n'a pas de valeur au sein de la francophonie. Annette Boudreau, mais j'allais dire, en fait, le chiac, il est parlé à Moncton, il est parlé dans les rues de Moncton. Absolument. Quelle langue doit enseigner l'école? L'école française? L'école doit montrer qu'il existe différents registres de langues, mais ne doit jamais, il me semble, condamner la langue que parlent les enfants, même pas la condamner, mais la respecter, la faire valoir et construire à partir de cette langue-là. Je pense que les enseignants sont quand même assez sensibilisés à ces questions-là de plus en plus. Je le vois, et c'est vrai que dans les années 60-70, c'était épouvantable, parce que dans les années 60, on voulait carrément corriger tout, l'accent, le vocabulaire. Il y avait des émissions qui étaient diffusées de façon... hebdomadaire dans toute l'Acadie et jusqu'en Gaspésie, où on cherchait vraiment à corriger la prononciation. On cherchait à remplacer toutes les expressions anciennes par des expressions plus standards. Et ça a eu quand même des effets épouvantables. Justement, le fait que les gens ne se sentent pas comme de vrais francophones. Ils n'osent pas se dire francophones. Et c'est dans ce sens-là que le chiac a joué un rôle, pour revenir à notre discussion tout à l'heure, chez les artistes. Il y a des artistes qui choisissaient de chanter en anglais plutôt que de se faire dire qu'ils étaient de mauvais francophones. Il y a des artistes aussi qui n'osaient pas, par exemple, prendre la parole ou qui n'osaient pas chanter parce qu'ils se disaient « j'ai pas la langue qu'il faut, donc... » je vais plutôt chanter en anglais. Et justement, cette affirmation-là de dire, par exemple, quand quelqu'un va... J'ai entendu souvent des gens qui vont dire, vous parlez français, vous dire, je parle le chiac. C'est une affirmation identitaire. C'est une façon de répondre. C'est une façon aussi de ne pas se laisser écraser par une vision unique de la langue qui serait la même pour tous, parler à travers le Canada de la même façon. Donc, cette affirmation-là, ça fait partie du mouvement de libération. Et je pense que ça se joue à différents niveaux et que les enseignants en sont conscients et qu'ils travaillent quand même assez durement pour faire tomber les préjugés. Ouais. Et c'est clair, comme on disait tout au début, on revient en fait au début de l'émission, que cette ambivalence-là, elle est toujours là, qu'il y a des gens qui ont peur que si les gens parlent le chiac, ils ne parleront que le chiac, mais c'est aussi une question de classe sociale. Et ça, on oublie de le dire. Je veux dire, c'est comme un sujet tabou, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, justement, arrivent de familles où c'est la langue qui est parlée dans le foyer. Et donc, si on veut leur élargir leur répertoire, pas leur remplacer, mais élargir, leur donner plus de possibilités pour s'exprimer avec des gens d'un peu partout, il faut commencer par accepter. Et pas seulement l'accepter, mais je dirais la valoriser, cette langue-là, que parlent les enfants dans les écoles. Merci beaucoup. Merci Annette Boudreau. Merci de votre participation aussi dans le public. Merci.